Sous les volutes d'une fumée de gitane, quand je t'ai vue bohémienne, tu as pris ma main et tu m'as dit, oh, pour un peu de tabac je lis dans l'avenir. Je vois des couleurs sur ta ligne. Je vois maintenant un amour indigo, fidèle et grand comme la mer. De loin t'as payé une route en vert où ta vie s'éclaire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ce que je vois après être rouge du sel.